La ville de l'amour par Mathilde Serrault. Il nous manque, à nous, les noires forêts du nord, les noires forêts de sapins, dont l'ouragan fait tort dans les branches comme des bras de géants désespérés. Il nous manque, à nous, la pureté immaculée des neiges qui donne le vertige de la blancheur. Il nous manque, à nous, les rochers à prés rudes, au dur profil. Il nous manque la mer livide et orageuse. Sur nos champs mouillés de rosée, les elfes ne viennent pas dérouler leurs rondes magiques. Les valkyries, amoureuses des hommes, ne descendent pas des montagnes lointaines sur leurs chevaux rapides. Les pâles roussalkas ne paraissent pas à l'orée des bois. Les lavandières maudites ne battent pas leur linge humide au bord des étangs, et le lutin kelpis ne saute pas en croupe du cavalier égaré. Là-bas, une nature presque idéale, brumeuse, mélancolique, inspire aux hommes des songes étranges. Ici, une nature positive, sans brouillard, ardente, desséchée, éternellement belle, éternellement lumineuse, nous fait vivre dans la joie ou dans la douleur de la réalité. Là-bas, on rêve dans la vie. Ici, on vit dans un rêve qui est la vie elle-même. Là-bas, les tristes et solitaires plaisirs de l'imagination crée un monde chimérique. Ici, c'est la fête complète d'un monde qui existe. Aussi, nos légendes ont un caractère profondément humain, profondément sensible, qui les met au-dessus du temps et de l'espace. Seulement, pour atteindre une suprême idéalité, elles ont besoin du mysticisme, de ce mysticisme qui est tout ensemble la folie de l'âme et l'ivresse homicide du corps, de ce mysticisme qui est la foi, la pensée, l'amour, l'art, à travers tous les siècles, dans tous les pays, de ce mysticisme qui est le plus haut point divin auquel puisse atteindre une existence humaine. Mais à ce drame, à cette victoire sanglante de l'esprit sur le corps, il faut ajouter un autre drame plus humain, plus puissant, où le sentiment et la pensée ne dominent pas la vie, mais s'y pénètrent et s'y fondent, où l'homme ne tue pas une partie de lui-même pour l'exaltation de l'autre, mais où tout est passion, enthousiasme et triomphe. C'est le drame de l'amour. Nos légendes sont des légendes d'amour, et Naples a été créée par l'amour. Simon aimait une jeune grecque. En vérité, elle était bien séduisante. C'était l'image de la forte et sainte beauté qu'eurent Junon et Minerve, auxquelles elle ressemblait. Elle avait le front bas et étroit des déesses, les grands yeux noirs, la bouche voluptueuse, la chaude blancheur du teint, le merveilleux accord de la grâce et de la souplesse dans un corps admirable de forme, et une expression d'une majestueuse sérénité. Elle s'appelait Parthénope, ce qui, dans la douce langue grecque, veut dire vierge. Elle aimait aller s'asseoir sur une roche élevée, fixant son fier regard sur la mer, perdue dans la contemplation des glauques horizons de la mer Ionienne. Elle ne s'inquiétait guère du vent marin, qui faisait battre son péplos comme l'aile d'un oiseau épouvanté. Elle n'entendait pas la sourde rumeur des ondes qui frappaient le rocher et le creusaient peu à peu sous leurs battements répétés. Son âme commençait par se plonger dans une pensée. Au-delà de cette mer, loin, très loin, là-bas où l'horizon se courbe, il y avait d'autres régions et d'autres pays. Il y avait l'inconnu, le merveilleux, l'infini. Puis cette pensée s'élargissait et son imagination se perdait dans un rêve sans fin. La jeune fille sentait grandir en elle la puissance de son âme, et dressée sur ses pieds, elle croyait toucher le ciel de la tête et serrer, dans une étreinte surhumaine, le monde entier sur son sein. Mais bientôt ses songes s'évanouirent. Elle se prit à aimer Simon, avec cet amour fort et impérieux de la Vierge qui se transforme en femme. Par une nuit d'été, par une nuit blanche et blonde, Simon parla à la bien-aimée. « Parthénope, veux-tu me suivre ?»« Partons, mon amour. Ton père te refuse à ma couche, ô ma très suave. Eumée veut te donner son fils comme époux. L'aimes-tu ? C'est toi que j'aime, Simon. Loué soit Vénus, et merci à toi, sa fille chérie. Pense donc quel affreux cauchemar serait la vie si nous étions séparés. Et quoique jeune encore, nous sauterions les noires ondes du Styx. Veux-tu venir avec moi, Parthénope ? Je suis ton esclave, amour. Pense-y bien. Il faut oublier le visage de ton père, effacer sur tes joues le baiser de tes sœurs, fuir tes tendres amis, abandonner ton toit. Partons, Cimon. Partir, ô ma très douce, partir pour un voyage long et pénible, sur la mer perfide, par une route inconnue, vers un but ignoré. Partir, sans espoir de retour, en se confiant aux flancs toujours ennemis des amants. Partir pour aller loin, très loin, sur des terres inhospitalières, brunes, où l'hiver est éternel, où le pâle soleil est enveloppé de brume, où l'homme n'aime pas l'homme, où il n'y a pas de jardin, où il n'y a pas de rose, où il n'y a pas de temple. Mais dans les grands yeux noirs de Parthénope brillait la triomphante clarté de l'amour, et dans la voix harmonieuse vibrait la passion toute puissante. « Je t'aime, » dit-elle, « partons. » Il y avait 1000 ans que la plage embaumée les attendait. 1000 printemps avaient jeté sur les collines la richesse inépuisable et toujours renaissante de leur végétation. Et, depuis la montagne jusqu'à la mer, s'étalait l'enchantement d'une nature merveilleuse. Les fleurs naissaient, parfumaient l'atmosphère, puis se fanaient, afin que d'autres, plus belles, puissent effeuiller leurs pétales sur le sol. Des millions et des millions de petites vies s'épanouissaient, elles aussi, pour aimer, pour mourir, pour renaître encore. Depuis 1000 ans, la mer amoureuse les attendait, et depuis 1000 ans, les étoiles amoureuses les attendaient aussi. Quand les deux amants arrivèrent, un spasme de joie fit frémir la terre, cette terre née pour l'amour, et qui, sans amour, est destinée à périr, brûlée et détruite par son propre désir. Parthénope et Cimon y apportèrent l'amour. Partout, partout ils s'y aimèrent. Serrés l'un contre l'autre, ils conduisirent leur amour sur les collines, depuis les hauteurs éternellement fleuries de Podiorales, jusqu'à celle-ci pure de Posilipe. Ils penchèrent leurs visages sur les cratères enflammés, comparant l'incandescente passion de la nature avec la brûlante passion de leur cœur. Ils se perdirent dans les obscures cavernes qui trouent la plage sonore. Ils errèrent dans les vallées profondes qui descendent vers le rivage. Ils parcoururent la berge étroite et longue qui sépare la terre de la mer. Partout ils s'aimèrent. Dans les tièdes nuits d'été, Parthénope s'étendit sur le sable des grèves, fixant le ciel étoilé, caressant de la main la fauve chevelure de Cimon, couchée à ses côtés. Dans les claires aubes de printemps, ils ramassèrent des fleurs et des baisers dans leur jardin splendide, des fleurs merveilleuses et des baisers inépuisables. Dans les pourpres couchants de l'automne, quand la saison décline, ils sentirent croître en eux une passion plus ardente. Dans les courtes et belles journées hivernales, ils sourirent sans mélancolie, quoique désirant le printemps nouveau. Les arbres séculaires étendirent sur leur jeunesse une ombre bienveillante. La brune pierre des champs flégriens ne meurtrit pas le doux pied de Parthénope. La mer se fit indulgente et leur chanta sa chanson passionnée. La nature loyale ne leur tendit pas de piège et, sur l'horizon assuré, se détacha le beau profil de la jeune fille ainsi que la tête énergique du jeune homme. Quand ils s'inclinèrent pour baiser la terre bénie, quand ils levèrent le regard au ciel, une palpitation leur répondit et entre l'homme et la nature, s'affirma une fois de plus le profond, l'invincible amour. Naples, la ville de la jeunesse, attendait la belle grecque. Parthénope et Cimon rendirent Naples immortelle. Si vous interrogez un historien, il vous répondra que la tombe de la belle Parthénope est sur la hauteur de Saint-Jean-Majeur, dont la mer caressait alors les pieds. Un autre vous dira que la sépulture de la belle grecque est sur la hauteur de Sant'Agnello, vers la campagne, au-dessous de Capodimonte. Eh bien, je vous assure que ce n'est pas vrai. Parthénope n'a pas de tombeau. Parthénope n'est pas morte. Elle vit, fière, jeune et belle, depuis 5000 ans. Elle court encore sur les coteaux. Elle erre sur la plage. Elle descend dans la vallée. Elle s'approche du volcan. C'est elle qui rend notre ville ivre de lumière et de couleurs. C'est elle qui fait briller les étoiles dans les nuits sereines. C'est elle qui rend l'oranger si parfumé. C'est elle qui fait resplendir la mer. Quand, dans la journée d'avril, une brise tiède nous inonde de bien-être, c'est son souffle suave qui nous caresse. Quand, dans les paysages lointains de Capodimonte, nous voyons paraître une ombre blanche serrée contre une autre ombre, c'est elle avec son amant. Quand nous entendons résonner dans l'air des paroles d'amour, c'est sa voix qui les prononce. Quand un vague bruit de baiser nous fait tressaillir, ce sont ses lèvres qui se posent sur celles de Simon. Quand un pas léger semble nous suivre, c'est son pied menu qui se pose sur le sol. Quand de loin, la flamme d'une effrayante éruption nous éblouit et nous brûle, c'est le feu de Parthénope qui nous dévore et nous consume. C'est elle qui met la ville en folie, c'est elle qui la fait languir et pâlir d'amour, c'est elle qui la fait se tordre de volupté pendant les ardentes journées d'août. Parthénope, la Vierge, la femme, la mère, ne meurt pas et n'a pas de tombeau. Elle est immortelle, elle est l'amour, et Naples, sa ville, est la cité de l'amour. Mathilde Serrao.